Le présidium du comité central de la Tsongnyon, association générale des Coréens résidant au Japon, a adressé le 4 courant une lettre au dirigeant suprême Kim Jong-un. Il écrit « La réussite éclatante au tir d'essai de la fusée balistique intercontinentale de type façon 14 est une manifestation importante de la force nationale invincible et de la grande capacité de l'industrie de guerre indépendante de la Corée du Tse, renforcée à un rythme inimaginablement accéléré suivant la nouvelle ligne du Parti Travail de Corée, consistant à renforcer parallèlement les forces nucléaires et l'économie nationale. C'est un grand événement à inscrire en lettres d'or dans les annales de notre République, qui a aspiré depuis toujours la puissante force de la défense nationale. Nous rendons de tout cœur gloire et grâce au maréchal Kim Jong-un pour avoir appliqué à fond les recommandations des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il en vue de développer, par son intelligence géniale et son leadership éminent, la Corée du Tse en puissance nucléaire et de fusée digne de son nom, et conduit à la réussite au premier tir d'essai de la fusée façon 14, étape finale pour le perfectionnement des forces nucléaires nationales. Vraiment, le maréchal Kim Jong-un est le défenseur du destin de notre patrie et de notre nation, et le grand homme sans égal qui fait preuve dans le monde de la dignité de la puissance politique et militaire Baekdu, et prend l'initiative de la politique mondiale. Les cadres de la Tsongnyon et les Coréens au Japon défendront jusqu'au bout le dirigeant suprême Kim Jong-un et notre patrie mère avec l'honneur infini de citoyens d'outre-mer de la Corée du Tse. Pour la victoire finale de la révolution du Tse et la nouvelle prospérité du mouvement des Coréens au Japon, nous souhaitons sincèrement santé au maréchal Kim Jong-un.